CHSCA pour tous les gosses de la misère, mental bison, Dallas, cœur fou, smart. C'est comme ça qu'on fait. Toujours la merde pour les mêmes, toujours la souffrance pour mes frères, la vue, le but déguisé. Par contre, tu peux en décider à la recherche de pouvoir pour les empuler. Quelle chaîne de vie, quel feature. Je suis tué en chien, faut pas déconner. J'ai déjà trop donné, mais la vie de son bon bain, faut l'améliorer. Même si les phares sont durs, c'est qu'à pas moins. Bon qu'à manger des bananes. Moi, je regarde pas la couleur, j'aide avec mes moyens. De ceux qui sont dans le besoin. Ce gosse a besoin d'un soutien maternel pour s'en sortir dur, s'en sortir seul. Affronter la vie seule, pas question de fermer sa bouche quand on a passé le reste de sa vie. Aller chez le reste des assiettes. Par le manque d'offensive mental, toujours sur la défense au fond du bâtiment. Dans le bâtiment, je bats du mon texte. Comment t'as les charles avec du cœur, je veux pas te curer. Mais la vérité, sort de la bouche de l'enfant. Soit t'es fort et mature. Si tu fais, bon, reste pas dans là, jamais l'affaire. Sois aussi barbare qu'un béret vert pour obtenir un bon salaire. Pour pouvoir construire ta vie est triste, frère gars. Le fond loqué, c'est comme une cause cicatrice. Cause de nos mères, faut faire quelque chose. Sortir cet enfant, il crie du mal, y'a le malin qui rôde autour de lui. Malin, malus, malus, ya. Il dépend des gens manipulés de façon critique. Il ne fait plus la différence entre le bien et le mal. Amalgame, ça devient un drame. Femme concernée, rongée dans la famine. Une vie en forme de grise mine. Une triste mine, l'enfant orphelin, crève de faim. Largué sur la chaussée, il repense à son passé. Tu vois ta vie défiler, comme dans un défilé. Mon gosse, tu ne craques pas, t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de claquer. T'as pas ça, je sais. C'est le cause de la misère, ça pourrait être le cause de nos mères. Ramasser de façon critique, remplir de cicatrices et de blessures. Ce gosse perd sa vie, on perd tout puissant. Donne-moi la force d'épargner, donne-moi la force de sortir ce pétain. C'est le cause de la misère, ça pourrait être le cause de nos mères. Ramasser de façon critique, remplir de cicatrices et de blessures. Ce gosse perd sa vie, on perd tout puissant. Donne-moi la force d'épargner, donne-moi la force de sortir ce pétain. Si l'enfant de la misère, sous le pavé, le vécu, beaucoup l'ignorer, lui tu m'aurais. Dans son coin de poubelle à pourrir un petit peu. À mourir à petit feu, il paraît que t'as une mère et un père qui coûtent des choses sera à Tahiti, toi t'es ici entre le puto et le bijou. À bouffer la gueule, t'as des démarres, des cernes, des marres. Ça donne pas la rage, j'en témoigne, personne qu'on freiner. Après mon aîné perd son âme, la morgue tu gosse comme une maman. Guette son gosse enroulé dans le poing, lui enroulé dans le pavé. À cracher ses poumons au bord de l'agonie. Agonisant comme la petite aux allumettes, courageux, garde espoir. Retrouver une vie bien, d'être entouré de gens bien. Gosse ça sent plus, j'en crois, utilise de moi, il tue. Au matin, se lève comme ils sont endormis, ventre vide. Je te vois, il faut pas tu sois. Dis-moi, c'est le sorgho de la misère, prends toi sa mère, la paradé. C'est le cause de la misère, ça pourrait être le cause de nos mères. Ramasser, de façon critique, en plus de cicatrices. C'est une blessure, c'est le cause de faire sa vie, on perd tout puissant. Donne-moi la force d'épargner, donne-moi la force de sortir du pétrin. C'est le cause de la misère, ça pourrait être le cause de nos mères. Ramasser, de façon critique, en plus de cicatrices et de blessures. C'est le cause de faire sa vie, on perd tout puissant. Donne-moi la force d'épargner, donne-moi la force de sortir ce pétrin. C'est l'enfant de la misère, sans père ni mère, sans aucun repère sur terre. Dans des chemins perdus, qui sur terre pour comprendre la tristesse de cet enfant. Franchement, c'est dur pour cet enfant. Passe de famille en foyer, l'état le prend pour un jouet. La vie de cet enfant dépend soi-disant sur des gens qui le placeront dans des familles d'accueil. L'enfant se laisse emporter, emporte son deuil tout seul. Ça n'est pas si grandi, dans les tours il revendique d'avoir trop souffert dans sa vie. Normal quand on vit sans ses parents, on croit que la vie est un châtiment. La solitude est un combat de la vie. Mon homme faut l'affronter. Malheureusement, des jeunes vivent sans leurs parents. Quasi aux personnes ayant adopté une petite fille, un petit garçon. Sachez que vous serez bien récompensé de vos bonnes actions. La vie c'est comme ça, pour tous les rêves en chien. La vie c'est comme ça. C'est le cause de la misère, ça pourrait être le cause de nos mères. Ramasser, de façon critique, en plus de cicatrices et de blessures. C'est comme ça, perd sa vie, on perd tout puissant. Donne-moi la force d'épargner, donne-moi la force de sortir ce pétrin. C'est le cause de la misère, ça pourrait être le cause de nos mères. Ramasser, de façon critique, en plus de cicatrices et de blessures. C'est comme ça, perd sa vie, on perd tout puissant. Donne-moi la force d'épargner, donne-moi la force de sortir ce pétrin. C'est le cause de la misère, ça pourrait être le cause de nos mères. Ramasser, de façon critique, en plus de cicatrices et de blessures. C'est comme ça, perd sa vie, on perd tout puissant. Donne-moi la force d'épargner, donne-moi la force de sortir ce pétrin. C'est le cause de la misère. Ça peut être cause de nos mères. Ramasser, de façon critique, en pile cicatrice et de blessure. Ce gosse perd sa vie, on perd tout puissant. Donne-moi la force de parler, donne-moi la force de sortir ce pétrin.